radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux, découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application. L'archéologie apporte des informations que les textes antiques ne livrent pas, voire n'abordent jamais. C'est notamment le cas des pratiques funéraires de l'Antiquité romaine. Dans une fouille très méticuleuse, mon invité avait récemment reconstitué les gestes funéraires d'une nécropole de Pompéi qui précédait par force la terrible éruption de 79 de notre ère. Il avait ainsi perçu non seulement les gestes, mais dévoilé des rites restituant par là même le concret de l'action humaine. Parce que l'archéologie est une nouvelle manière d'écrire l'histoire, parce qu'elle se penche aussi sur les religions, les croyances, la spiritualité, nous évoquons aujourd'hui une autre fouille, cette fois-ci en Haute-Garonne, celle d'une nécropole d'un type nouveau, William Van Andringaar. Bonjour. Bonjour. Directeur d'études à l'École pratique des hautes études, vous y possédez la chaire Histoire et archéologie de la Gaule romaine. Les espaces funéraires gallo-romains sont probablement ce que les archéologues ont le plus fouillé en France. Et pourtant, beaucoup de choses semblent encore à comprendre. Notre sujet porte aujourd'hui sur la nécropole de la cité de Lugdunum. Non pas comme je l'ai cru d'abord, Lugdunum, capitale des trois Gaules actuellement sous Lyon, mais caractérisant une autre cité. William Van Andringaar, hormis Lyon, il y en aurait donc d'autres ? Il y en a au moins une autre, c'est celle justement de la Lugdunum des Convennes, qui est fondée à l'époque augustéenne. Donc, pour rassembler les peuples qui occupent donc les vallées du Comminges. Le nom alors est intéressant parce que c'est un nom celtique qui désigne une colline. Et effectivement, la ville romaine qui est fondée à ce moment-là, à l'époque augustéenne, donc, elle est fondée au pied d'une colline qui désigne le Dunum en question. Alors, c'est intéressant, je disais à l'instant, parce que le nom est celtique et on est là en terre aquitanique. Donc, le nom indique sans doute, eh bien, qu'on est là sous le domaine d'influence tectosage des Toulousains qui occupent donc un territoire qui se trouve donc au nord et qui sans doute contrôle la vallée de la Garonne puisque la ville est fondée donc dans la vallée de la Garonne. Alors vous dites, Auguste, mais moi j'avais lu qu'elle avait été fondée en 72 avant notre ère par Pompée. Effectivement, on a un passage de Saint Jérôme très tardif, de la fin du IVe siècle, qui indique que la ville est fondée par Pompée, qu'un établissement est fondé par Pompée. Mais le problème, et là on est entre justement de l'articulation entre les sources archéologiques et historiques ou textuelles, c'est que le problème, c'est que l'archéologie n'apporte aucune preuve à une fondation de l'époque de Pompée. Donc je pense que à partir du moment où l'archéologie n'apporte pas de preuves définitives, je pense qu'on doit être bien soupçonneux. Est-ce que le texte de Saint Jérôme nous dit la vérité, est-ce qu'il n'a pas été déformé? Je crois que c'est, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la ville elle-même, avec un centre monumental, avec une structure urbaine romaine, est bien fondée, à l'époque augustéenne. On peut même dire, après la fondation de l'hôtel du Confluent, dans l'autre Lugdunum, à Lyon, c'est que on est là, donc, dans le cadre de l'organisation provinciale, donc, et on est là, donc, après 12 avant Jésus-Christ. Donc on est au-delà de Pompée. Et en tout cas, elle a un statut très particulier. C'est une colonie, ce qui est quand même pas rien. Alors elle devient colonie plus tard, mais au départ, on sait qu'elle est cité latine quand même. Strabon nous dit qu'elle est cité latine, donc elle dispose d'un statut important. Mais en tout cas, effectivement, elle devient colonie. Donc c'est une ville aujourd'hui. On peut même évaluer sa surface, puisqu'aujourd'hui on a les limites grâce au radar que nos prédécesseurs qui ont fait un magnifique travail sur la ville, eh bien n'ont pas vu, ne disposaient pas de la géophysique. Du radar et tous ces instruments qui nous permettent de détecter les structures qui sont enfouies dans le sous-sol. Et la géophysique nous permet d'estimer la ville à 50 hectares environ. On a les limites ouest, les limites est, et on a bien donc là un établissement urbain assez important de 50 hectares, ce qui n'est pas gigantesque non plus quand on pense aux 600 hectares de Reims, par exemple, à l'époque romaine, ou 250 hectares de capitale, ou de Chartres, qui est 250 hectares également. On est là, mais quand même dans un chef-lieu de cité, malgré tout. William Van Andringaar, dans les religions et les croyances romaines. Quelles sont donc les règles qui régissent le monde des morts à Rome? par exemple, durant le Haut Empire? Alors, à partir de la fin de la République, les tombeaux sont alignés le long des routes d'accès à la ville. Alors ça, c'est lié au statut civique des villes romaines, hein. C'est-à-dire que bien les tombeaux donc sont installés bien le long des routes d'accès, tout simplement face à l'espace public de la rue, et les tombeaux présentent bien les lignées familiales. C'est un peu une présentation assez particulière de l'état civil des populations à l'entrée des villes, ce qui fait sens pour une population civique, justement, comme celle qu'occupe une ville romaine. Et ce système est mis en place, on le voit très bien à Pompéi, est mis en place à la fin de la République. Et donc, ces tombeaux, ils présentent les familles, et à l'intérieur de ces tombeaux, donc soit à l'intérieur des monuments eux-mêmes, soit dans les enclos qui sont rattachés à ces tombeaux, eh bien, on dispose les sépultures des membres de la famille. Et alors, on expose la mémoire civique. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, c'est qu'on expose eh bien, le nom des familles qui composent, et surtout le nom des chefs de famille qui composent la cité et la communauté urbaine. Le meilleur exemple, bien sûr, de ce type de nécropole, du moins la plus connue, serait forcément la Via Appia à Rome. Donc, on passe sur la route et on rend hommage ? C'est exactement ça. Et alors, à Pompéi, c'est quelques kilomètres, lorsqu'on parle de la nécropole sur laquelle nous travaillons, la Porta Nocera. Mais à Rome, c'est donc la capitale de l'Empire, c'est une ville gigantesque, hors normes. Et là, la Via Appia, eh bien, les tombeaux sont disposés sur, je crois, une trentaine de kilomètres. Voici 6 campagnes que vous fouillez une nécropole. Quels sont les éléments qui ont édicté votre choix ? Alors justement, je parlais de la géophysique et aujourd'hui, c'est un instrument essentiel de l'archéologie, et notamment lorsque l'archéologie étudie des territoires. Effectivement, on a disposé d'images radar qui montraient une série de bâtiments alignés de forme quadrangulaire, et ces bâtiments, eh bien, à proximité d'une église romane, aujourd'hui, qui semble perdue dans la campagne, on est là à 500 mètres du village de Saint-Bertrand de Comminges, qui a pris la suite du Lugdunum des Convennes, justement, de la ville romaine. Et c'est comme on travaillait à l'époque, nous sommes en 2016, on travaille sur les nécropoles, bien, dans les possibilités pour l'identification de ces monuments, eh bien, il y avait l'identification d'une nécropole tardive, effectivement. Donc on a fait des premiers sondages en 2017 pour découvrir et pour identifier une nécropole du IVe siècle. Quelles seraient les caractéristiques de cette nécropole, puisque, comme toutes les autres, elle se situe aussi à l'écart de l'espace urbain ? Effectivement, on est à 500 mètres des limites de la ville, marquées en l'occurrence sur la partie est par un ruisseau. On est donc à l'extérieur, à 500 mètres. On n'est pas tout de suite après la. On est dans un peu plus loin. C'est une caractéristique intéressante d'ailleurs. Mais surtout, la première chose qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'il n'y a pas de route d'accès à la ville. Autrement dit, on est là sur une propriété privée, ou une propriété en tout cas délimitée par des fossés, autrement dit, avec des limites propres. Et là, eh bien, une communauté eh bien, installe ses morts à partir de 300 après Jésus-Christ. Nous serions désormais sur un terrain privé et non plus sur un grand axe de circulation. De surcroît, elle s'implanterait dans les décombres d'un édifice. Tout ça semble assez curieux. Mais voilà une autre particularité, c'est que effectivement, les tombeaux sont installés donc sur une parcelle préexistante. Et à l'intérieur de cette parcelle, eh bien, on trouve des grands bâtiments, alors très très érodés, très très abîmés. Hein. Donc on n'a pas pu, pour l'instant, au mieux on a les fondations, mais la plupart du temps on n'a même plus les fondations, c'est-à-dire qu'on fouille des tranchées de récupération. Donc difficulté d'identifier ces grands bâtiments, on les date du IIe siècle après Jésus-Christ, autrement dit de la période précédant la nécropole. Mais ce qu'on sait, c'est que parce que des sépultures sont inscrites dans ou sont installées dans les fondations de ces grands bâtiments de fonction inconnue, eh bien on sait que la nécropole, elle est postérieure et elle est installée alors que ces bâtiments sont en ruine, partiellement en ruine au moins. Donc on a effectivement une communauté qui vient installer ses morts, non pas le long des routes d'accès à la ville, notamment le long de la route de Toulouse, qui se trouve plus au nord, à 300 mètres, mais qui vient installer ses morts eh bien, dans un terrain privé, comme vous le dites, et puis occupé par les décombres d'un grand bâtiment antérieur, effectivement. Cette nécropole serait avant tout monumentale. Comment s'organise-t-elle ? Elle a été identifiée comme monumentale dès le départ, mais la suite des fouilles a montré qu'elle était même très monumentale, puisque au départ, en 2017, effectivement, on a pu identifier des bâtiments, des mausolées à chambre hypogée, c'est-à-dire des chambres souterraines, hein, dans laquelle des chambres sépulcrales, dans laquelle on entreposait les sarcophages, on déposait les sarcophages, on déposait les morts. Ces mausolées que nous avons pu fouiller dans la première phase de la fouille, eh bien, ils étaient disposés le long du fossé périmétral, Et ensuite, on a pu identifier un grand bâtiment que l'imagerie radar avait évité ou de voir, où on n'avait pas justement la couverture, s'est arrêtée au mauvais endroit. Et là, on fouille depuis 3 ans maintenant, eh bien, un mausolée gigantesque. Il n'y a pas d'autre mot, puisqu'on n'a pas son équivalent dans l'ensemble de l'Occident romain. Du 4e siècle. Du 4e siècle, donc de la même époque. Autrement dit, les mausolées monumentaux dont je parlais, qui font une quarantaine, entre 30 et 40 mètres carrés, eh bien, étaient disposés autour d'un mausolée beaucoup plus grand que les autres, avec une chambre hypogée, donc souterraine, une chambre sépulcrale souterraine, de plus de 100 mètres carrés. Un personnage donc très important, et peut-être fondateur de cette nécropole. Exactement, oui, puisque les choses vont ensemble. On a donc, là, à partir de ces éléments uniquement archéologiques, puisqu'on n'a pas d'inscription, effectivement, on a fait une série de C14, de datation C14, parce que la céramique est rare, et on a très peu de mobilier sur le site, mais le croisement des différents C14 nous indique que ces morts sont installés autour de 300. Nous sommes donc à l'époque constantinienne au sens large. Et effectivement, les mausolées de la partie ouest du site, eh bien, ont tous le même module. C'est-à-dire qu'ils sont... Alors, ils ont une architecture différente. Les uns ont à chaque fois une architecture différente. Chambre hypogée, chambre semi-hypogée. Mais en revanche, eh bien, ils ont le même module dans le sens où ils font tous exactement 35 mètres carrés. Autrement dit, ça montre que, eh bien, on a là une programmation, la programmation d'une nécropole. Autre élément important, c'est que ces mausolées programmés, eh bien, ils ont été disposés autour d'un mausolée beaucoup plus grand que les autres. Autrement dit, le mausolée du leader de la communauté en question. Et ça, c'est une sorte de hiérarchisation interne. Exactement. Qui est très nouvelle. Exactement. Dans l'espace funéraire absolument, romain. Absolument, absolument. Jusque-là, eh bien, on continue de le faire. C'est-à-dire qu'on enterre les morts le long de la route. C'est-à-dire soit dans le mausolée familial, soit dans le cadre des recompositions familiales, dans un nouveau mausolée ou dans un nouveau tombeau, dans un nouvel enclos, mais qui prend la suite, si vous voulez, donc qui est construit soit sur des zones funéraires abandonnées, soit construit, eh bien, dans la suite des tombeaux déjà installés. Donc on a là quelque chose de complètement, une organisation topographique, une organisation funéraire complètement nouvelle. Nous sommes une sorte de volonté de programmation planifiée même. Voilà, et ce qui est étonnant, c'est ça, c'est cette programmation. Parce qu'effectivement, les tombeaux au Haut Empire, dans la période qui précède, eh bien, et ça, ça a été remarqué depuis longtemps, c'est qu'ils ont tous une architecture différente, et surtout, tous, ils sont tous organisés selon des dimensions différentes, en fonction de la richesse des familles, si on simplifie les choses. Et ici, on a, au contraire, vraiment, donc, l'investissement d'une même parcelle, certes avec un bâtiment partiellement en ruine, ou complètement en ruine, ou disparu, hein, et en revanche, on a donc des mausolées alignés autour de ce grand mausolée qui polarise la nouvelle nécropole. Ça, c'est évident. Hein. Donc, William Van Andringa, si je comprends bien, autour de 300, peut-être un petit peu après, on a désormais deux systèmes de nécropoles. Une première nécropole qu'on retrouve toujours, qui est très classique, le long des rues et le long des voies donc, sortant de la ville. Et puis, un deuxième système, donc une sorte de nécropole totalement privée, fermée, où on enterre donc, les gens. Exactement. De manière très particulière. Oui, exactement. Oui. Ça a été noté depuis longtemps, c'est-à-dire que les nécropoles du Haut-Empire continuent d'être fréquentées, et là, on a la preuve que, eh bien, autour de 300, on installe des morts. Une sorte de changement. De changement, évidemment. On a effectivement, là, les indices d'une transition funéraire est très nette. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. William Van Andringa fait tout à fait incroyable, les enfants ont leur place. Alors voilà, il y a une autre particularité, effectivement, c'est que dès le départ, eh bien, on a pu fouiller des sépultures de périnataux, de périnatal, je ne sais pas comment il faut dire, mais en tout cas des enfants morts autour de la naissance, des tout-petits. Dans des amphores, donc les archéologues connaissent ça bien, dans des amphores ou dans des cercueils, ça dépendait de l'âge, mais en tout cas les tout-petits, ceux qui sont morts autour de la naissance, sont enterrés dans des amphores, qui sont réutilisés évidemment comme contenant funéraire. Ce qui est très intéressant, ce qui a été très particulier là aussi, c'est que ces sépultures de tout-petits sont installés dans les mausolées ou à proximité immédiate des mausolées familiaux. Et ça, c'est une nouveauté. Autant on enterre avec les membres de la famille certains périnatours, on a cet exemple à Pompéi et dans certaines nécropoles de la Gaule romaine, mais ici, la particularité, c'est qu'on a les périnatours, autrement dit, les tout-petits morts sous la naissance, sont enterrés en périphérie du mausolée, dans un mausolée. À l'extérieur de la chambre sépulcrale, hein, c'est ça ? À l'extérieur, exactement à l'entrée, puisqu'on a une interruption qui marque le passage, l'entrée dans le mausolée. À l'entrée du mausolée, on a même un mur bas qui sépare, qui marque, donc qui délimite un espace réservé aux périnatos. Ce qui veut dire que ces morts, ces enfants morts tout la naissance, eh bien, participent à la mémoire familiale. Ils sont intégrés dans la mémoire familiale. Ce qui n'était absolument pas le cas. C'est complètement nouveau, ça. C'est complètement nouveau. Ouais. Donc, on a une intégration de ces tout-petits, eh bien, et on sait même, grâce aux études isotopiques menées par Victor Morillo, puisqu'on a les isotopes donnent les phases d'allaitement, permettent, il y a des marqueurs très nets, et on sait que certains de ces enfants, effectivement, sont morts lors de la naissance, c'est-à-dire avant la phase d'allaitement, d'autres sont morts un peu plus tard. Mais donc, on a bien cette phase d'âge qui est bien représentée dans les mausolées ou dans leur périphérie immédiate. William Andraga, vous avez omis de nous évoquer le mobilier funéraire que vous avez mis au jour. Oui, si j'en parle pas, c'est qu'il n'y en a pas. Vous n'avez rien. Au IVe siècle, il y a plein de choses. Les vases en verre, ce genre de choses. En principe, il y a. Alors, on a quelques flacons en verre, effectivement. Autrement dit, quelques balsamères, ouais, qui sont justement bien représentés dans ce type de nécropole. On a exactement, si je me souviens bien, on a 4 balsamères en tout en verre. Donc, c'est 4 sépultures avec un dépôt de balsamères sur le côté de l'inhumation. Donc, vous voyez que c'est pas beaucoup. Donc, sinon, on a pas aucun mobilier. C'est ça, aucune offrande, aucun dépôt d'un vase ou d'autre chose. Ouais. Alors, puisque vous n'avez pas d'objet, est-ce que vous avez réussi à reconstituer des gestes comme vous l'avez fait à Pompéi ? Alors là, non, on n'en a pas la possibilité. Alors déjà, le matériel est quasi inexistant. Et alors, on a des sépultures avec un cercueil qu'on sait reconnaître grâce aux clous, évidemment, qu'on sait reconstituer même. On a quelqu'un qui étudie ça en ce moment. En revanche, c'est la topographie qui est intéressante là, parce que on voit d'une part que dans les mausolées, eh bien, lorsqu'on a des sarcophages qui ont été déposés dans les chambres hypogées, justement, il est évident que les sarcophages ont disparu depuis longtemps. On sait même qu'ils ont, pour certains mausolées, ils disparaissent, ils sont emportés dans la première moitié du 5e siècle, sans doute pour servir évidemment de contenant funéraire pour d'autres personnages pendant le Haut-Moyen-Âge. Ils disparaissent, mais on a également des tombes construites toujours à l'intérieur des mausolées. Et alors, ce que je voudrais préciser, parce que c'est là aussi très très intéressant, c'est que on a sans doute une deuxième phase, ou est-ce que c'est contemporain, on ne sait pas trop pour l'instant, mais on a le développement d'ensembles funéraires devant les mausolées, d'ensembles de tombes en rangée. Autrement dit, on organise, ça aussi c'est complètement nouveau, hein, on organise des tombes en rangée devant les mausolées, mais dans l'emprise même des mausolées, c'est-à-dire qu'on a des espaces vides de part et d'autre des mausolées. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Bien, parce que, justement, l'organisation reste familiale. Et là, on a quelque chose qui se démarque du 5e siècle, des nécropoles chrétiennes du 5e siècle, puisqu'à ce moment-là, au 5e siècle, eh bien, ce sont des nécropoles communautaires qui sont organisées. On le sait, pléthore de nécropoles gallo-romaines ont été fouillées depuis 2 siècles. Dans ce cas, comment se fait-il que la recherche ne découvre qu'aujourd'hui ce nouveau type d'espace funéraire ? En vérité, ces nécropoles, on les connaît depuis longtemps, mais elles n'ont pas été identifiées comme nous le faisons, parce qu'on a la chance, nous, d'avoir une nécropole qui n'a pas été... dont la lecture n'a pas été modifiée, perturbée par les occupations successives postérieures, notamment la construction d'une église comme à Saint-Laurent de Grenoble ou à Saint-Seurin de Bordeaux. Effectivement, ces nécropoles, elles sont connues à Autun. Et non perçues. Mais non perçues, voilà, non perçues, non pas parce que les gens qui ont travaillé sur ces nécropoles ne l'ont pas vu, mais parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le voir. Nous avons les moyens de le voir. Sommes-nous ici devant une nouvelle manière de présenter les morts et par là même de concevoir la mort ? Absolument, les indices commencent à être nombreux, puisqu'il n'y a plus d'affichage public face à la route. On a bien donc des nécropoles dans ce cas-là qui est forcément communautaire, avec un leader dont le tombeau beaucoup plus grand que les autres, eh bien, polarise le cimetière. On a toute une organisation topographique, et puis on a également des tombes qui sont très profondes. Alors ça respecte sans doute le droit romain, qui est toujours en vigueur au IVe siècle, bien entendu, parce que je pense qu'il a la profondeur des sépultures permet l'inviolabilité des sépultures. C'est tout simple. Alors que dès le Ve siècle, ensuite, eh bien, les sépultures remontent à la surface, en quelque sorte, parce qu'elles ne sont plus gérées selon le droit romain. Donc on a effectivement présenté les morts différemment, oui, puisqu'ils ne sont plus... Ils n'ont plus une exposition publique. Donc ça veut dire que l'exposition civique n'existe plus à ce moment-là. Et c'est un changement très important. Alors, qui est facilement compréhensible pour le 5e siècle, la ville chrétienne, la naissance de la ville chrétienne, mais qui, pour le 4e siècle, est quelque chose d'assez inédit, je pense. Le 4e siècle est une grande période de mutation qui, au-delà de l'aspect funéraire, voit l'évolution de la société des vivants. Oui, forcément, puisque après la crise du 3e siècle, eh bien certes, la cité est restaurée, l'empire est restauré, comme on le sait, à partir des années 280, et la cité elle-même est restaurée, on garde les mêmes chefs-lieux, certes qui changent de nom, mais on voit bien, et ça c'est l'archéologie qui nous l'indique, on voit bien malgré tout qu'il y a un changement très, très, très net dans la morphologie des villes, ça c'est vu depuis longtemps, changement très net dans la morphologie des villes, et on a notamment ce phénomène bien reconnu de rétractation urbaine. Donc ce changement de la morphologie urbaine, il traduit un changement considérable de la société, et il traduit également, il explique, je pense, par ricochet, eh bien, l'installation de cette nécropole nouvelle, d'un type nouveau. Je crois que tout ça participe aux changements importants qui interviennent donc après la crise du IIIe siècle. Ce type de cimetière très nouveau ne serait pas unique en France ? Non, comme on le disait à l'instant, c'est qu'on a des exemples qui sont... Alors il faudrait évidemment... ils sont comparables d'une certaine façon, mais il est vrai que Saint-Seurin de Bordeaux, eh bien, on a une présence chrétienne très précoce. On est là quelques centaines de mètres de la ville emmurée du IVe siècle. Et l'implantation de la nécropole, elle est également du IVe siècle. Donc c'est à Saint-Laurent de Grenoble, fouillé par René Collardel, on a exactement publié également, on a ce même type de nécropole, c'est-à-dire au-delà de l'Isère, dans un secteur où n'existe pas de nécropole du Haut Empire. Donc on a bien un terrain funéraire, un champ funéraire nouveau qui est installé au IVe siècle avec des mausolées. Et on a également Saint-Martin-aux-Champs à Bourges, Saint-Pierre-l'Étrier à Autun. Saint-Pierre-l'Étrier, très beau site, fouillé récemment, où on a d'ailleurs découvert des sarcophages, on a découvert un vase absolument unique, enfin non, il en existe, je crois, trois dans l'Empire romain, entièrement entier, qui n'est pas très beau d'ailleurs. En tout cas, c'est une nécropole extrêmement, on va dire, très particulière, au moins par son mobilier, mais qui a déjà aussi peut-être quelques traces chrétiennes. Et oui, là en l'occurrence, mais il se trouve qu'à Lugdunum-les-Combes, on a également des inscriptions chrétiennes pour le IVe siècle. Mais effectivement, à Autun, à Saint-Pierre-l'Étrier, on a une inscription, on a au moins une inscription qui permet d'identifier un chrétien, le tombeau d'un chrétien installé à Saint-Pierre-l'Étrier, dans un même type de nécropole, c'est-à-dire on est là à quelques centaines de mètres de la ville d'Autun, qui est Augustulenum, la ville d'Auguste, qui est une grande ville, et surtout de l'Antiquité tardive. On n'est pas dans, le niveau au-dessus de Lugdunum des Convennes. Hein. Mais quand même, on a donc ce type de nécropole, même chose, c'est-à-dire l'installation de tombeaux, de mausolées du IVe siècle, IVe, Ve siècle, installés à l'extérieur, donc hors des routes d'accès à la ville d'Augustulenum, et puis dans les décombres, si je me souviens bien, d'un édifice identifié à une villa. Donc on est dans la même configuration. Avec des populations très riches. Enfin, à Autun, c'est des gens extrêmement riches. Ah oui, oui, je disais à l'instant qu'on est dans un niveau dessus. Hein. C'est une ville importante, favorisée par le pouvoir impérial dans l'Antiquité tardive. Autrement dit, on a Lugdunum est une petite ville. Hein, oui. Auparavant, n'attribuait-on pas les véritables changements funéraires à la ville désormais chrétienne, donc celle du Ve siècle de Et voilà, ère. C'est ça. C'est que je crois que si on traduit, c'est ça les tendances d'historiographie récente, c'est qu'on avait tendance à voir, eh bien, une évolution certes des nécropoles du Haut Empire avec des changements progressif dans l'Antiquité tardive, mais le changement important, le mouvement de bascule important, il intervenait bien au Ve siècle, c'est-à-dire l'installation des premières nécropoles communautaires chrétiennes. Or là, on est dans une transition funéraire intéressante, c'est que ce type de cimetière nouveau, il est déjà présent au IVe siècle, mais il est géré par les familles. Il n'a pas la dimension communautaire qu'il aura à partir du Ve siècle. Donc pourquoi cette nouvelle modalité d'organisation des nécropoles ? C'est le christianisme. Alors voilà, on en vient. Et c'est pour ça que cette nécropole de Saint-Just de Valcabrère, hein, donc près de Lugdunum, est intéressante. En fait, la ville ne s'appelle plus Lugdunum dans l'Antiquité tardive, mais en tout cas, c'est ça, c'est qu'on a des traces des premiers chrétiens. Et ça, c'est très intéressant. Effectivement, d'une part, on a des inscriptions. On a des inscriptions chrétiennes, notamment. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Une de 347, on a une dame qui est morte en 347 et qui est chrétienne, dont l'intitulé épigraphique nous permet d'atteste au moins qu'elle est chrétienne. Nous sommes en 347 et cette inscription, elle vient du lieu même employé dans les murs de l'église romane qui se trouve à moins de 100 mètres du grand mausolée de la nécropole que nous avons fouillée. Et on a surtout l'élément déterminant qui explique pourquoi je suis là aujourd'hui, finalement, c'est qu'on a des fragments de sarcophages à scènes historiées, donc des sarcophages historiés, avec des scènes chrétiennes. Alors, fragmentaires, certes, mais tous ces fragments, eh bien, renvoient à des scènes, eh bien, biblique ou du Nouveau Testament. Lesquelles, par exemple ? Adam et Ève, le passage de la mer Rouge, Daniel dans la fosse aux lions. C'est une trouvaille de cet été. Vous voyez qu'on a des sarcophages. Formidable. Très intéressant. Ces sarcophages, ils sont tous à scène chrétienne, tous. Tous ces fragments du IVe siècle sont des scènes chrétiennes. Ils sont très fragmentés parce qu'ils ont été réutilisés et ils ont fini comme éléments de remploi dans l'Église romane et dans les tombes postérieures à l'Église romane qui date du XIe siècle. Donc si je comprends bien, le christianisme se serait implanté dès le IVe siècle et non pas le Ve siècle comme on pouvait le penser. Le problème ne réside-t-il pas dans l'ambiguïté des sources écrites qui ne permettent pas d'établir l'existence de nécropoles chrétiennes avant le Ve siècle? C'est ça. Alors, des nécropoles communautaires chrétiennes ne sont pas attestées avant le Ve siècle pour une raison simple, c'est que les textes n'en parlent pas. Ou les textes, lorsqu'ils existent, sont d'ordre théologique et ne permettent pas finalement d'attester l'existence de communautés, encore une fois, de cimetières communautaires. Et ici, on aurait un exemple d'un cimetière d'un type nouveau, complètement nouveau, installé autour de 300, sans doute commandité par un grand personnage, un très grand personnage vu la taille du mausolée. Je rappelle que la crypte du mausolée fait plus de 100 mètres carrés. On devine qu'il y a une installation communautaire et il y a un autre indice, c'est qu'effectivement il y a une grande homogénéité dans les tombeaux qui sont organisés autour de ce mausolée plus grand que les autres. Grande homogénéité qui traduit non pas la coexistence d'une communauté païenne et chrétienne, mais au contraire, je pense, qui traduit là, l'existence d'une communauté chrétienne structurée. Nous sommes déjà en 300 après Jésus-Christ. Alors qu'il y ait une communauté chrétienne à Lugdunum à cette époque-là, ce n'est pas une surprise, mais qu'elle installe ses morts selon ses propres critères, ça c'est une nouveauté. Une dernière question, William Van Andringa. On sait que l'archéologie a renouvelé complètement l'histoire des religions antiques, récemment d'ailleurs, puisqu'elle était dans une impasse. Comment les historiens des religions vont-ils percevoir cette découverte, cette nouveauté ? L'archéologie, en apportant progressivement les indices de ces changements qui ne sont pas détectables par les textes, parce que les textes n'en parlent pas, c'est ça le problème, mais permet de revenir ensuite sur les textes et de les lire de manière nouvelle. Je pense que c'est ça, si on peut parler de révolution de l'archéologie, elle est là. C'est-à-dire que l'archéologie, en apportant des indices de ce type-là, permet de réévaluer les textes et de relire les textes de manière nouvelle. William Van Andringa, merci beaucoup. Carbone 14 a été réalisé par Alexandra Malka, à la technique Anthony Thomasson et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. Ce podcast, avec l'application Radio France, retrouvez l'intégralité des épisodes et toutes les émissions et podcasts des chaînes de Radio France.